L'armée, c'est de la mer. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Bonsoir, bienvenue dans l'émission du magazine Libertaire sur Alternante, tous les jeudis soirs de 20h40 à 22h. Vous pouvez nous retrouver à Nantes sur le 98.1 FM et à Saint-Nazaire sur le 91 FM. Vous pouvez nous contacter en direct dans les locaux d'Alternante au 02 40 93 26 62 et nous contacter sur notre adresse mail à maglib@boom.org. Et retrouvez tous nos podcasts et nos sons sur notre site https://maglib.boom.org. Donc ce soir, nous sommes le 6 avril. Nous allons commencer par un son que va nous présenter Yann. Oui, que je vais juste présenter brièvement. Donc c'est un petit entretien, une série d'entretiens qui dure à peu près une demi-heure autour de la mort de Monsieur Liu. C'est présenté par l'actualité des luttes que vous pouvez écouter tous les jours sur Paris Fréquence Plurielle. Donc voilà, vous allez entendre une série de témoignages sur la police et de la communauté chinoise. Je pense que je vais arrêter de dire des choses pour l'instant parce que la commentatrice introduit beaucoup mieux que moi. Ouais, on a parlé de Monsieur Liu la semaine dernière. En fait, c'est la personne qui a été tuée par les flics chez elle. Voilà. Elle a été tuée par des flics de la BAC. Version policière, c'est qu'ils sont intervenus pour un conflit. Ils ont été appelés pour un conflit de violence. Normalement, c'est pas la BAC qui se déplace s'il y a une dispute familiale ou je sais pas quoi. Donc déjà. Pour l'instant, c'est encore obscur où on nous dit pas tout, paraît-il. Mmh. Je crois. mais en tout cas, voilà, c'est Monsieur Liu. Il a été tué chez lui. Chez lui, rappelle. Avec un couteau en train de faire à manger, si c'est bien comme ça que ça s'est passé. Ou des ciseaux. Ciseaux. Une paire de ciseaux. Mais voilà, il s'appelle Monsieur Liu parce que dans la presse, on le présente comme un Chinois. Mm. Donc, c'est c'est bien aussi de nommer les personnes. C'est-à-dire, c'est un minimum de considération aussi envers elles. Voilà. Je pense que c'est la seule chose que on pourrait dire, et laisser le son se dérouler, l'écouter, et on revient après. Voilà. À tout de suite. Nous allons enchaîner cette deuxième partie d'émission avec un reportage qui a été réalisé hier lors du rassemblement à République qui avait lieu en soutien à la famille de Shaoyo Liu qui a été assassinée dimanche dernier par la police, donc notamment contre les violences et l'impunité policière. Avant de vous faire écouter ce reportage, on prend juste une petite minute pour vous redonner deux, trois éléments de contexte si vous n'étiez pas bien au courant. Donc dimanche dernier, cet homme était avec ses quatre enfants chez lui. La police a tapé sans s'annoncer comme donc à sa porte, sans s'annoncer comme police ni sans faire aucune sommation. Bon, la famille n'a pas ouvert la porte et donc ils ont décidé d'enfoncer la porte. Et avant même que la porte ait terminé d'être ouverte, Monsieur Shaoyo Liu avait été assassiné. Voilà, on lui a tiré dessus immédiatement. La famille continue à témoigner qu'il n'y a eu aucune sommation de la police. Et d'ailleurs, on ne sait pas exactement pourquoi ils étaient là. Donc on va pas s'éterniser sur derniers débats qu'il y a sur la personnalité de cet homme, sur les raisons qui auraient pu pousser à, sur est-ce qu'il y avait une plainte ou quelle était la vie de cette famille. On en reste à des choses très très simples qui sont qu'en réalité, la police, quand elle déboule chez quelqu'un, n'a pas à le tuer, quoi qu'il en soit, quoi qu'une personne ait fait ou ne pas fait. On ne maîtrise pas les gens et on n'arrête pas les gens en les tuant, et quand on a une armada d'armes comme eux et qu'on est entraîné comme eux, on sait très bien qu'ils ont 36 autres moyens de nous humilier pour nous emmener au commissariat plutôt que d'utiliser leur arme à feu. Donc on prendra le temps peut-être de vous diffuser donc les différentes conférences de presse et témoignages de la famille qui ont pu être récupérés ces derniers temps. Simplement, on vous rappelle que donc suite à cet assassinat, le lundi, il y avait un rassemblement devant le commissariat du 19e qui a duré très longtemps, où il y avait du monde et qui a terminé par se faire, une fois de plus, charger par la police. Et donc, il y avait eu 35 interpellations avec des mises en garde à vue et des coups et de blessures sur les manifestants. Le mardi, il y avait un autre rassemblement qui durait toute la journée, qui ensuite est devenu encore plus important le soir à partir de 19h jusqu'à au moins minuit, qui demandait la libération de ces 35 personnes incarcérées, et notamment la vérité et la justice. Qui a été évidemment dispersé à coups de grenades lacrymogènes autour de minuit. Et donc nous, on peut vous le dire, vu que c'est quand même le quartier de la radio dans laquelle nous travaillons, qui était absolument bouclé partout avec des contrôles policiers au faciès pendant des heures, pendant tout le reste de la nuit. On doit quand même noter qu'il y avait énormément de gens, et énormément de gens différents, aussi bien du quartier que des gens issus de la communauté asiatique, que même des différents collectifs que nous connaissons, dont vous pouvez entendre souvent parler sur cette antenne, et qui luttent au quotidien contre les violences policières et les violences d'État. Le mercredi, il y avait un autre rassemblement devant l'hôtel de ville, où là, il y a eu énormément de violences, où les gens faisaient preuve d'une détermination assez importante. Et donc hier, il y avait encore un autre rassemblement à République, qui a été suivi ensuite d'un rassemblement à Bastille. Et donc lors de celui-ci, Joël a pu faire des reportages que nous vous diffusons immédiatement dans l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Je crois que vous êtes aujourd'hui venu pour le rassemblement en faveur des communautés chinoises. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être accueillis par le collectif Citoyen Quoi Ma Gueule. Le collectif Citoyen Quoi Ma Gueule a organisé derrière vous une exposition photo sur les violences policières. Aujourd'hui, au nom de la G2.0, nous sommes présents sur la place de la République pour discuter du problème de la violence policière. Nous devons garder en mémoire que cet événement est en l'honneur des communautés chinoises, de la communauté chinoise qui a été victime la semaine dernière d'une bavure de la police. La préfecture de police a répondu à la communauté asiatique, et l'enquête à ce jour n'a pas encore abouti. L'enquête sur les circonstances de la mort de M. Liu, donc Shaoyo Liu, n'a pas encore été totalement donné au public. Et nous sommes ici aujourd'hui en rassemblement pacifique pour montrer que le problème de la violence politique ne concerne pas seulement la communauté chinoise, elle concerne toutes les autres communautés qui vivent en France et qui souhaitent rester en France durablement. Si vous le souhaitez, vous êtes invité à prendre la parole. Vous pouvez peut-être juste accorder un mot de soutien à la famille des victimes. Vous pouvez également parler d'un témoignage, mais je vous en prie, restons courtois et peut-être évitons de devenir trop véhément. Peut-être éviter de crier ou de dénoncer une injustice trop fort. J'espère que nous comprenons suffisamment le français pour pouvoir vous entendre, vous écouter et amorcer un débat qui dépasse la communauté asiatique, qui puisse faire que la communauté asiatique soit intégrée en France. Je tiens à vous remercier également. La pétition qui circule sur Internet en ce moment approche les 50 000 signatures. Le premier objectif, c'était 20 000. On l'a atteint en moins d'une journée. Et à présent, nous approchons les 50 000 signatures. J'ose espérer que les personnes qui sont présentes ici ont signé cette pétition. Et si c'est le cas, eh bien, vous êtes tous invités à prendre la parole. J'ai vu les infos que le monsieur Liu il est assassiné. Non, pas assassiné, mais il est mort. Mort comment? La vérité, on n'a toujours pas. Comment dire? La famille, les policiers ne sont pas, la même résultat. Et je trouve que les policiers tuent un homme de 1m60, n'a pas dépassé 1m70. Dans la main, il y avait un ciseau. Comment ils vont tirer dans le cœur de... Je sais pas, le cœur ou comment, je connais pas la situation. Mais il est mort. Et je sais que les policiers n'est pas mafia. C'est les mafias, souvent, ils tuent les gens sans raison. Et là, je me suis dit, il faut avoir une justice. Madame, vient de dire qu'il y a quand même un déséquilibre dans la situation, dans la version des faits qu'on nous donne. C'est improbable qu'une personne puisse menacer la vie d'un policier qui est équipé avec une paire de ciseaux. Il faut qu'il y ait une explication claire qui nous permette de savoir ce qui s'est passé. Les forces de police ne sont pas la mafia. Elles travaillent, elles font leur travail. Il doit y avoir une explication. Et s'il y a une justice, elle peut aussi passer par une explication claire. Est-ce qu'il y a une autre personne qui n'est pas issue de la communauté asiatique qui voudrait donner un témoignage? Je suis aussi un ressortissant chinois. Je suis venu en France en 2014. J'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme et je travaille ici. Voilà. Mais je pense que, moi personnellement, je pense que je remercie la France parce que c'est un pays qui nous accueille, qui nous traite également. Que j'ai plein d'amis français, j'aime bien ce pays. Entre les potes, on raconte aussi souvent des blagues. Il n'y a pas de méchanceté, des blagues racistes. Je rigole aussi, je les raconte moi-même. Je ne fais jamais de manifestations. Je considère que je suis comme tous mes concitoyens, je suis quelqu'un pacifique. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que je me mets debout sur la place République. Je suis un étranger ici. Et j'ai vu beaucoup de commentaires sur Internet en disant que « Ouais, vous n'avez pas de droits d'homme en Chine. Toujours la vieille histoire de Tibet, de mangeur du chien, de je sais pas quoi. » Alors, est-ce que c'est justificatif en disant que « Ok, on ne mérite pas le droit d'homme. On mérite d'être buté chez nous, en cuisinant. À la bouffe, c'est sacré pour le Chinois, j'insiste. Donc, je pense qu'il faut toujours rester calme, de manière pacifique. On est là aujourd'hui, c'est bien dit, on est un rassemblement, c'est pas une manifestation ou violence. Donc, je compte sur mon peuple de rester calme ce soir, de discuter, d'échanger, aussi de s'exprimer, parce qu'on ne fait pas souvent ça. De s'exprimer, on fait mal. Bon, j'ai de la chance de bien apprendre le français, de parler devant vous, dans votre langue maternelle, et si je parle en chinois, il n'y aura personne qui comprend. Pour l'instant, on ne va pas croire simplement toutes les versions différentes d'histoire. c'est pour ça qu'on reste calme. On demande juste que l'enquête soit menée et la justice soit faite, peu importe le résultat. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous, on a organisé l'expo et on voulait faire ces rassemblements parce que les questions de violence policière, on les subit en tant que noir, en tant qu'arabe. Et quand on a vu, il y a quelques années, on s'attaquait à la communauté maghrébine, certains pensaient que ça s'arrêtait à ça. Puis, il y a eu les noirs avec Adama Traoré, puis Théo, puis Maxène, puis ensuite Michel Liu. En fait, on se rend compte que finalement, cette violence, plus fort, on se rend compte que cette violence que nous essayons d'expliquer dans cette expo derrière vous, elle est une violence qui est aujourd'hui institutionnalisée, notamment par la dernière loi qui permet à la police de tirer sans sommation. Nous, le but de nous associer à ce rassemblement, déjà parce qu'on avait la place, mais aussi parce qu'on se sent menacé au quotidien par la police. C'est aujourd'hui, quand on est militant, comme Rémi Fraisse, on peut mourir juste parce qu'on ne veut pas qu'un barrage soit construit et une forêt soit détruite. On peut mourir le jour de son anniversaire comme Adama Traoré. On peut mourir en coupant du poisson parce qu'on peut nous attaquer, y compris chez nous, comme on a vu récemment. Et nous, on apporte notre solidarité individuelle en tant que citoyen à la communauté chinoise. Mais on veut aussi qu'on sort un peu de là, parce que M. Liu est peut-être pas français, mais moi, en tant que français, je me sens concerné par sa mort. Et ça se passe chez moi, dans un pays qui est censé être démocratique, des droits de l'homme. Et dans ce pays, la police rentre chez quelqu'un et lui tire dessus alors que cette personne est désarmée. Et ça, pour moi, ça me concerne. Ça me concerne aussi parce que quand Adama Traoré était mort, il n'y avait pas que les Noirs qui ont manifesté. Il y avait aussi d'autres personnes d'autres nationalités. Donc je pense que la violence, elle est solidaire entre elles. Nous qui la subissons, nous devons être solidaires. Mais aussi, nous devons demander à nos copains, copines, militants, militantes, de nous soutenir parce que c'est comme ça seulement que nous allons gagner. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande dans cette histoire? C'est un, la vérité, qu'on n'essaye pas de nous masquer ça comme ils ont commencé déjà à faire en disant qu'il aurait peut-être des problèmes de santé. Ils nous ont déjà fait les coups avec Adama Traoré et on ne va pas continuer à nous les faire. Donc on veut la vérité. Et la deuxième chose qu'on veut, c'est la justice. Donc effectivement, vu que c'est nous qui avons demandé d'organiser ces rassemblements aujourd'hui, donc légalement on est responsable, on aimerait que ça se passe dans la dignité, parce que ces actes sont indignes, infâmes, et on ne peut pas y répondre par l'indignité de ceux qui l'ont commis. Et nous devons nous comporter dignement déjà pour respecter les morts, mais aussi pour nous respecter, parce que nous nous respectons, parce que nous sommes démocrates et nous devons nous respecter. Moi, je ne vais pas dire que tous les policiers sont mauvais, mais lorsqu'on a 40% d'une profession qui vote pour un parti qui veut qui exclut un certain nombre de communautés, c'est hyper grave. Et aujourd'hui, il faut que nous, on montre qu'on est digne et qu'on est solidaire. C'est les deux choses que moi, je vous demande. Merci beaucoup d'être venu. Et la parole peut tourner. Par contre, excusez-moi, je voudrais pas être filmée et pas passer sur les chaînes BFM Télé et autres, s'il vous plaît. Et par contre, j'ai un mot pour les journalistes, parce que quand je vois sur BFM Télé Le Parisien qu'on dit qu'un Chinois est tué, il a un prénom et un nom de famille, ce monsieur. Et je trouve ça dégueulasse. Ensuite, j'aimerais juste dire qu'aujourd'hui, c'est Monsieur Liu qui est mort. Avant, c'était Adama. Il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, c'est la communauté chinoise qui a été touchée. Et je trouve pas ça normal. On doit être tous solidaires. On est tous des citoyens français aujourd'hui. On ne veut pas nous écouter. Et vous, les journalistes, votre travail, c'est de montrer la réalité. Alors quand les manifestations, elles se passent bien pendant 3 heures et que pendant 5 minutes, y a des gens qui viennent foutre le bordel et c'est ce que vous montrez à la télé, c'est pas normal. Ensuite, il y a la nouvelle loi qui a été votée il n'y a pas longtemps par le gouvernement, qui est un permis de tuer. Et la première victime de cette loi, c'est Monsieur Liu. Aujourd'hui, on nous attaque chez nous. Ce monsieur, on l'a attaqué chez lui, où il y avait ses enfants. Personne, les voisins ont aussi dit qu'ils ne sont pas présentés comme les forces de l'ordre. Et ça, c'est pas normal. Je voudrais avant tout dire que le comportement de la police par rapport à ça, il n'est absolument pas normal. Et le comportement de l'État l'est encore moins. C'est-à-dire quand quelqu'un, quand un officier de police tue une personne, peu importe qu'elle soit ou non titulaire de la nationalité, le minimum, ce serait déjà de la suspendre, cette personne, de la suspendre de ses fonctions. Or, à aucun moment, les médias nous ont indiqué que ça a été le cas. On ne sait pas si cette personne a continué encore à arpenter les rues de Paris avec son arme, normalement. Et ça, c'est scandaleux. Et le silence aussi du gouvernement français par rapport à ça est honteux. Pareil, la seule parole qu'on a eue, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur qui félicite que l'enquête soit menée correctement. Mais c'est quand même le minimum, en fait, que l'enquête soit menée correctement. La société donne à la police un droit particulier, le droit de posséder une arme et le droit d'utiliser si besoin. Ce qu'on demande à la police à côté, c'est de savoir s'en servir de ce droit-là. Et par rapport à ça, à partir du moment où elle saute, elle doit être encore punie plus fortement qu'un citoyen lambda. Parce qu'on lui a fait confiance en lui donnant le droit de tuer. Parce que c'est ça la chose. C'est qu'on lui donne le permis de tuer. Et à aucun moment, ce droit-là n'est remis en question. Pire encore, avec la dernière loi qui est passée, on donne aux policiers encore plus de latitude pour tuer les gens. Et les disculper par rapport à ça. Et c'est honteux. Et par rapport à ça, il faut vraiment qu'on se mobilise, en fait. Et peu importe la couleur de peau, parce que pour le coup, cette affaire le montre bien, à partir du moment, en fait, où vous ne parlez pas français, tout simplement, où vous ne parlez pas très bien français, bah, la balle, vous la prenez encore plus rapidement à la figure, en fait. Et là, est la vérité, tout simplement. Le drame dans cette affaire, en plus, enfin, qu'est-ce qui justifiait la police d'utiliser une arme à feu dans cette affaire-là? Ils étaient trois, ils se sont même pas présentés, ils n'étaient pas en uniforme quand ils sont intervenus. Le ressortissant chinois qui a été tué, il a le droit de crier quand même, s'il a envie de crier. D'où c'est interdit dans la loi de crier? Que la police sonne, elle toque, elle pose des questions, elle demande, elle repart. C'est pas normal ça, que tout de suite, enfin, on défonce la porte, l'homme était par terre, et en plus on le tue. Elle est où la normalité là-dedans? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Et qu'est-ce qu'ils ont, les trois qui ont fait ça? Rien. Rien du tout, comme les précédents avec Théo, ou comme encore ce qui s'est passé avec Adama Traoré. Limite, on va les féliciter. C'est un comportement scandaleux. Et on ne doit pas mendier, en fait, le fait d'avoir été ici. Et le fait d'être accepté ici. Parce qu'on apporte aussi des choses à la société en général. On apporte aussi bien de la richesse d'un point de vue économique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue culturel. On partage. Donc il faut se serrer les coudes. Il faut qu'on soit ensemble et qu'on donne et qu'on demande à l'État français de nous respecter, peu importe la couleur de peau, parce que la vérité elle est là. Peu importe la couleur de peau, on a le droit, on doit avoir les mêmes droits. Je vous remercie. Je voulais dire un mot parce que moi j'habite Ville La Curiale, dans l'immeuble où il y a eu cet assassinat. Je suis contre le rétablissement de la peine de mort et je trouve qu'aujourd'hui c'est tout à fait anormal qu'on puisse faire éruption chez des gens et faire immédiatement usage de l'arme à feu. Moi, j'ai lu dans le journal que le policier qui a fait ça actuellement est hospitalisé. Mais je trouve qu'il faut que l'enquête soit menée très rapidement et que des mesures soient prises, y compris dans la loi, puisqu'on est à la veille d'une élection législative, soient prises dans la loi pour interdire ce type de comportement. Les policiers, ils ne sont pas obligés de faire usage de leurs armes. Il y a des moyens actuellement qui permettent de neutraliser quelqu'un sans le tuer. Là, il a été tué d'une seule balle, directement au cœur, ce qui est absolument scandaleux. Moi, c'est quelqu'un que je rencontrais régulièrement dans la cité où j'habite. C'était quelqu'un de gentil. Et ça lui est tombé dessus. Moi, je pense à ses enfants, à sa femme. Et c'est incroyable. On se demande dans quel pays on vit. Vous pouvez commencer comme vous le souhaitez. Enfin, j'ai passé par hasard. Enfin, je trouve que c'est triste pour la famille chinoise qui est en France, cette mort. Enfin, on aimerait chercher la vérité. On ne sait pas vraiment c'est qui a dit la vérité, donc on recherche la vérité. Enfin, les jeunes chinois qui font plusieurs manifestations, je trouve que c'est triste aussi pour le policier français, aussi pour le chinois. Donc maintenant, je pense que tous les communautés chinois, ils veulent la vérité. Donc je demandais à toutes les personnes qui vivent en France, à Paris, on veut la vérité. Enfin, aujourd'hui, l'association chinoise fait une grande réunion pour réunir toutes les personnes pour trouver la solution. On ne veut pas la violence. Les Chinois, on ne veut pas la violence. On veut la vérité. On veut tout le monde soutien pour trouver qui est tort, qui a eu le problème, pourquoi ce monsieur qui est mort, pourquoi les gens qui rentrent dans la... Pourquoi le policier rentre dans le domicile, tue ce monsieur. On va voir pourquoi. Merci. Les propos de madame me font penser à une idée sur l'espace public. L'insécurité que l'on ressent dans l'espace public et l'insécurité que l'on ressent à son domicile, ce n'est pas le même niveau. Si vous vivez dans l'inquiétude tous les jours que quelqu'un fasse irruption dans votre vie, l'espace public, imaginez quelle est l'image de l'espace public. On ne peut pas vivre en démocratie, se mettre à la place de l'autre, compatir si le danger est permanent. Merci à tous. 今天我作为一个中国人，我想在这说两句话。 Merci beaucoup tout le monde, personne biblique. Je suis chinoise, j'aimerais parler un peu, quelques phrases. 我想大家知道这是什么地方，我想大家看看这个代表着什么。我听别人说，我来到法国的第一天，别人告诉我，法国人告诉我，这代表着自由、民主、和平。 我试问一下，现在的民主和平在哪里？我希望你们给我们中国人一个公道，希望当地政府，包括法国的总统出来给我们中国人一个解释，给我们一个理由。我们中国人很热爱在法国的和平自由，但是你们这样对待我们，你们觉得公平吗？ Monsieur dit, je suis une place publique. Qu'est-ce que semble cette statue? J'ai entendu les Français me dire, ça semble la liberté, fraternité, égalité. Enfin, j'aimerais la vérité, j'aimerais la justice, j'aimerais le président de la République, Monsieur François Hollande, aussi, pour connaître cette affaire, pour trouver la vérité. Donc, je seulement traduis ce que monsieur dit. Donc, tout le monde en train de demander pourquoi les Chinois sont super en colère. Pourquoi? On va demander pourquoi les Chinois, souvent tranquilles, calmes, cette fois, pourquoi on est en colère? Pourquoi? On veut la vérité. On veut la justice. Je suis chez moi, il y a quelqu'un frappé la porte, il n'est pas dit lui c'est la police, il n'est pas l'uniforme de police, Je vois pas la porte. Dis-moi qui vous ouvre la porte. Pourquoi on doit ouvrir la porte? Enfin, monsieur dit, on ne sait pas comment ça se passe. Quand il voit la porte, pourquoi monsieur qui tue? Pourquoi? Dans quelques secondes ou une minute, pourquoi? Enfin, ça, ça me parle, écouté par ses filles. Enfin, on a la version de la fille, mais je te dis, on n'est pas le juge. On a demandé pourquoi la police tue quelqu'un dans le domicile. Pourquoi? Pourquoi dans le domicile, on n'est pas la protégée? C'est quoi la loi? Pourquoi chez nous, on ne tue pas par la police? Pourquoi? Pourquoi la raison? Pourquoi c'est légitime de défense? Pourquoi? Vos voisins sont allés à la manif contre l'aéroport? La maison de votre voisine est squattée? Votre voisine a laissé le robinet couler pendant qu'elle se lavait les dents? Le fils du voisin laisse son ordinateur en veille plutôt que de l'éteindre? Dénoncer son voisin, un geste simple, un geste utile, un geste civique. Ceci est un message de la Maison de la Tranquillité Publique de Nantes Métropole. Pour votre santé, dénoncez un ou deux voisins par jour. On trouve toujours un petit moment pour dénoncer son voisin. Retour dans le magazine Libertaire. Et après ce petit moment où on a parlé de police, et ben on va continuer à parler de la police. Et on va parler de la police parce que je pense que pour celles et ceux qui habitent en Pays de la Loire, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres le petit magazine, le mensuel des Pays de la Loire, édité par le conseil régional du mois d'avril, mais vous l'avez peut-être pas ouvert. Et ben vous avez tort, vous auriez dû l'ouvrir. Et il y a un article qui nous a particulièrement intéressé. Alors si vous l'avez devant vous, vous pouvez l'ouvrir à la page 7, comme nous. Et cet article, ben on va vous le lire. Cet article, il s'appelle « Plus de sécurité dans les transports régionaux ». Alors ça donne envie, hein. Je suis sûre que vous êtes à donf, là, vous avez trop envie. Et en fait, ça raconte que les keufs en Pays de la Loire, en fait, les flics, les gendarmes et d'autres forces de l'ordre vont avoir le droit de prendre les transports gratuitement, les TER, entre leur domicile et leur lieu de travail. Alors, Non, je veux dire que c'est à cause de la lutte des chômeurs, en fait. Pour les transports gratuits. Effectivement, on va pouvoir en parler. Ils se sont juste trompés de bénéficiaires. Oui, on pense que c'est ça, Retailleau. Bruno, si tu nous écoutes, tu t'es trompé. On va vous lire le petit article. Dans un premier temps, on va quand même faire... Moi, je vais faire des commentaires entre les trucs, mais je vais pas vous dire quand c'est moi qui parle. Vous auriez qu'à deviner. Ça commence par... Une convention conclue entre la région, l'État et la SNCF autorisera les forces de l'ordre à voyager à titre gratuit sur le réseau de transport régional pour leurs déplacements domicile-travail. Les policiers, les gendarmes et autres forces de l'ordre, bon les autres forces de l'ordre on sait pas qui c'est, mais c'est pas grave, hein, vont pouvoir voyager gratuitement sur l'ensemble du réseau régional train et car en Pays de la Loire à l'occasion de leur trajet entre leur domicile et leur travail. Ce dispositif, dont la région est à l'initiative, fonctionnera grâce à un système de cartes annuelles qui sera mis en place dès le 1er juillet. À savoir aussi qu'en juillet, on va hériter, en tout cas à Nantes, à la gare de Nantes, de portiques de contrôle en fait à quai, où faudra avoir un billet valide pour pouvoir passer comme dans les métros, en fait. Sur les quais. Comme dans les métros, et du coup comme à la gare de Paris-Montparnasse qui a servi de site pilote, et comme dans d'autres gares en fait en France. Et comme ouais le Ouigo qui pour l'instant c'est du contrôle à quai, mais c'est des agents de sécurité qui contrôlent. Donc là, ce sera des agents de sécurité automatiques. Hein, qui... Enfin après c'est mieux, hein, ils nous parlent pas, mais bon c'est quand même assez chiant pour frauder. Donc en plus de ces portiques qui vont contrôler nos billets, bah en plus il y aura des flics dans le train. Donc je reprends la lecture. Ce dispositif dont la région est à l'initiative, merci Bruno Retailleau, fonctionnera grâce à un système de cartes annuelles qui sera non ça je l'ai déjà dit, excusez-moi. L'objectif affiché est clair, indique Roch Brancourt, vice-président du conseil régional délégué au transport ferroviaire. Il s'agit de soutenir l'action des forces de l'ordre au profit de la sécurité des usagers des transports régionaux. Et évidemment, comme on vient de l'entendre dans le reportage précédent, quand les flics armés sont présents, on est tout à fait en sécurité. On peut s'attendre à être en sécurité, c'est sûr. Donc voilà, c'est comme ça qu'il le présente. Cette mesure incitera bon nombre d'entre eux, donc d'entre de bon nombre de keufs, qui se rendent tous les jours sur leur lieu de travail avec leur arme de service, à prendre ce moyen de transport collectif. Sans être nécessairement identifié en tant que tel, la présence de ces agents est une mesure forte, pouvant être décisive en cas d'incident ou d'événement grave à bord de ces trains et de ces cars. C'est une avancée pour un réseau régional plus sûr. Du coup, je sais pas si vous avez suivi, mais les flics maintenant ont le droit. Au début, c'était que pendant l'état d'urgence. Puis là, il y a une loi qui est passée qui leur autorise, en toute circonstance, d'avoir leur arme de service sur eux en dehors de leurs heures de travail. Donc, ils vont pouvoir, avec leur arme, en dehors de leurs heures de travail, monter dans des trains et dans des cars du réseau régional du civil. TER, en civil. Soi-disant pour pouvoir réagir en cas d'événement grave à bord ou d'incident, donc je sais pas ce qu'on peut imaginer, genre tu fais une crise cardiaque, hop, le flic il vient, il sort son gun et ça va être non, ça va pas marcher. on sait pas trop en quoi ça va nous sécuriser, mais bon, a priori c'est pas forcément non plus, c'est pas forcément l'objectif, entre l'objectif affiché et l'objectif réel. C'est pas vraiment ça. Et du coup, moi, je voulais rajouter... bon, on a lu que la moitié de l'article. Il y a l'autre moitié, vous pourrez la lire. Donc, l'argument annoncé, c'est et la sécurité et une reconnaissance pour les forces de l'ordre. Donc, donner les transports gratuits aux forces de l'ordre, c'est une reconnaissance. Effectivement, donner les transports gratuits aux précaires, aux chômeurs, aux gens qui galèrent et qui ont besoin de se déplacer, ça, c'est hors de question pour le conseil régional. Le premier argument, c'est la reconnaissance, et le deuxième argument, c'est la sécurité. Et en fait, ce qu'ils oublient de dire dans leur papier, c'est que cette revendication, en fait, c'est une revendication des syndicats de police, que Alliance, du coup, qui est le syndicat à très très à droite dans la police, c'est une revendication qu'elle porte en fait depuis longtemps. Il y a d'autres syndicats qui la portent aussi, mais Alliance, elle l'a portée au niveau national et elle l'a portée vraiment longtemps. Elle l'a portée au point que, en fait, en 2016, ils ont fait une manif à 200. Bon, c'est pas beaucoup 200, hein, mais bon, quand même, ils ont fait une manif à 200 devant le siège de la SNCF à Saint-Denis. Avec en, comme argument, puisque maintenant on peut avoir nos armes de service hors service, pourquoi on pourrait pas prendre les transports gratuits et sécuriser les trains, quoi. Hors service, évidemment, parce que c'est une activité bénévole. Donc les flics pourront, en plus d'être payés pour nous tirer dessus, enfin pour tirer sur les gens quand ils sont dans leurs heures de service, ils vont pouvoir être payés pour le faire bénévolement. Enfin non, d'ailleurs, ils seront pas payés. Du coup voilà, et je voulais aussi juste rajouter que donc c'est la quatrième région en fait qui met ça en place. Il y a historiquement la région Île-de-France qui fait ça depuis au moins 2014, mais peut-être depuis avant, mais c'est pas la région qui payait, c'était le ministère de l'Intérieur. Et du coup, c'est Cazeneuve qui avait annoncé la reconduction de cette convention en 2015. Hein. Ça, c'est pour... donc, le PS le faisait pour l'Île-de-France, mais au niveau de l'État. Et sinon, les autres régions, en fait, c'est toutes des régions qui sont aux mains des Républicains. Et du coup, c'est Vauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, Estrosi en PACA, et Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Donc la c'est belle pas brochette. Voilà la belle brochette. Les Hauts-de-France, c'est Normandie et 59-62. Voilà et et du coup ça va être en place en Pays de la Loire à partir de 2000 enfin à partir de l'été et c'est Retailleau du coup qui le met en place. Ça veut dire que la région et la SNCF font une économie sur les contrôleurs aussi, je suppose. Alors c'est ce que dénonce effectivement la CGT. C'est, nous, l'économie sur les contrôleurs, on n'était pas forcément contre, mais du coup la CGT cheminot dénonce ça puisqu'elle dit entre ça et les portiques en fait. C'est de laisser de l'économie sur les contrôleurs. Les flics, en fait, ils vont se charger, mais je sais pas ce qu'ils vont charger de quoi, parce qu'en vrai, ils vont pas contrôler. Oui, parce que tout à l'heure, tu donnais l'exemple d'une crise cardiaque, mais il y a plein de situations dans le train de malaise, de ce genre-là, et bon, à la limite, quitte à mettre du monde dans le train, autant mettre des personnes où... avec qui la pagaille n'arrive pas. Oui, c'est ça. Et après, juste pour rappeler, la plupart des incidents dans le train où ils pourraient avoir envie, où par exemple les contrôleurs ont envie d'appeler les forces de l'ordre, c'est des situations où des gens n'ont pas de billets, en fait, et où ça s'envenime au moment de mettre l'amende, quoi. Du coup, enfin, des situations comme... Parce qu'ils ont beaucoup pris exemple le Thalys, la tentative d'attaque dans le Thalys, enfin eux ils l'appellent comme ça, la tentative d'attaque, pour mettre ça en place. Mais en vrai ça arrive une fois tous les je sais pas combien. Cette mesure elle coûte, alors j'ai pas trouvé combien ça allait coûter en Pays de la Loire, mais sûrement c'est trouvable, hein, parce que ça doit être porté au budget. Ça coûte 500 000 euros en fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça coûte en 2014 pour l'Île-de-France, ça a coûté 24 millions d'euros. Et là, la région Île-de-France, elle va participer à hauteur de 7 millions d'euros pour cette mesure. Du coup, enfin, c'est un truc qui coûte à balle de pognon. Et je sais pas, avec tout ce pognon, je sais pas combien de gens pourraient voyager gratos, quoi. Et il y a des endroits où, juste pour finir, des endroits où ça a été mis en place, où en parallèle ils ont réduit, je sais plus dans quelle région, en fait, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait une réduc de 90%. En fait, ça s'appelait Illico Solidaire. Il y avait 90% de réduc pour un certain nombre de gens, notamment précaires et des gens aussi en situation de handicap qui ont plus de difficultés à se déplacer. Et cette réduc, elle est passée de 90% donc à 75%, qui est le truc minimum qu'il y a à peu près partout. Et elle va s'appliquer à beaucoup moins de monde. Du coup, elle va s'appliquer à des gens qui vont à des entretiens d'embauche, qui vont... mais pas, elle va plus s'appliquer, genre les bénéficiaires du RSA qui avaient le droit à cette réduc auront plus le droit à cette réduc, quoi. Donc coup, c'est, enfin, et on peut se dire que, bah, les 15% qui ont été enlevés aux précaires, bah, c'est 15% qui ont été filés aux keufs, qui, en plus, ont de la prise en charge de transport. Enfin, à ce moment-là, on pourrait payer du transport à tous les gens qui vont bosser, quoi. Ou pas d'ailleurs, mais eux, ils ont aussi de la prise en charge de transport, comme n'importe quel travailleur a de la prise en charge sur de l'abonnement de transport. Oui, ils ont au moins les fameux 50% de ton employeur. Hein. Ouais, oui, et puis les abonnements de travail. Oui. Et puis, enfin... Donc voilà. Et ben, je propose qu'on s'arrête là parce qu'on n'a pas plus fouillé, mais ça me semblait important de le dire et qu'on passe au billet. Sans transition ? Sans transition. Ok, d'accord. Ça te va ? Ouais, ça va. Alors, pas facile d'extrême droite aujourd'hui en France. Ah, ouais. Qui est ça ? Non pas que l'auditoire n'offre pas de perspective, mais bien des entraves viennent s'intercaler dans les roues de ceux qui veulent se faire les chantres de cette pourriture de l'esprit. Faut bien reconnaître, quand même, qu'en ce domaine, la concurrence est diablement rude. Si l'on prend pour exemple la campagne de l'élection présidentielle française à venir, il ne sont pas moins de 4 candidats à défendre le même bout de gras rance, d'Asselineau à Cheminade, de Le Pen à Dupont-Aignan. Tous et toutes défendent une vision souverainiste, prenant pour cible, tour à tour, ou tout en même temps, migrants, étrangers ou français d'origine étrangère, selon l'expression consacrée, afin de draguer le fameux auditoire réactionnaire grandissant. De cette pourriture de l'esprit, il est bien difficile de trouver les origines tant elles sont immémoriales. Car enfin, le bouc émissaire, l'ennemi commun, le mouton noir, s'il a pris bien des formes selon les époques, n'a cependant jamais cessé d'exister. Si l'on s'en tient qu'à la France, tâche déjà ardue, l'étranger fut pendant longtemps le migrant intérieur. Les mots infects qui nous apparaissent aujourd'hui comme courants, tels que nationalité ou naturalisation, sont pourtant très récents à l'échelle de l'humanité. Ils émergent dans le vocabulaire juridico-administratif au début du XIXe siècle, même si de primes occurrences sont observées dès la fin du Moyen-Âge. Mais si leur signification diverge, en comparaison de celle qu'on leur prête aujourd'hui, rassurons-nous quand même. Nous avons su garder une certaine forme de cohérence, au moins en ce qui concerne le sens global. L'apparition de l'étranger et de la cohorte de vocables qui l'accompagnent provient en effet des oppressions féodales qui se matérialisent lorsque, durant le bas Moyen-Âge, aux alentours du XIIe siècle, se renforce le pouvoir seigneurial. L'étranger, alors, détermine non pas l'individu par rapport à un peuple d'origine quel qu'il soit, mais celui qui ne serait pas né au sein d'un territoire soumis à l'autorité d'un seigneur. Territoire qui pourront être, par ailleurs, très nombreux selon les époques auxquelles on se réfère. Dès lors, s'instaure juridiquement Dès lors, s'instaure juridiquement doucement mais sûrement une certaine vision du monde fondée sur une dualité nauséabonde tendant à opposer soi et les siens au reste du monde. Vision qui n'a finalement pas vraiment, voire du tout évolué depuis tout ce temps. En s'étendant au fil de l'histoire de France, des seigneuries à l'ensemble du royaume, cette notion d'étrangeté donnera finalement naissance au concept de droit du sol, en opposition au droit du sang, directement issu du droit romain. Quoi qu'il en soit, à cette époque, un étranger n'est finalement qu'une personne née au-delà des quelques kilomètres carrés où l'on est soi-même né. Petit détail quand même, puisqu'il faut bien différencier étrangers et autochtones, ces étrangers n'auront pas les mêmes droits que ceux nés à l'endroit susdit, notamment en termes de possession et de transmission par héritage. Ce système, qui n'a donc à l'origine d'autre but que d'asseoir l'autorité d'un puissant sur ses sujets, fonctionne comme il peut et tranquillement durant pas mal de temps, jusqu'à ce que la multiplication de mouvements de population vienne foutre le bordel dans ce rouage inutile. Ce sont d'abord les commerçants venus d'ailleurs, bientôt suivis par ceux qu'une pression démographique devenue insupportable, que de conflits armés et meurtriers entre seigneurs, ou qu'un attrait pour une liberté plus importante qu'à l'endroit d'où ils viennent, ont poussé à fuir vers d'autres contrées censées être plus hospitalières. Par la suite, vers le XIVe, XVe siècle, apparaissent les lettres de naturalisation accordées par le roi à toute personne née hors du royaume, et qui fait le serment de s'établir définitivement dans son pays d'accueil. Avant ça, on s'en foutait un peu, car finalement, les frontières, tant politiques que militaires, fiscales ou économiques entre deux pays, avaient grosso modo la même valeur que les frontières intérieures et féodales qui prévalaient au sein de chacun de ces pays. Quelques siècles et guerres plus tard, nous voici à l'aube des premiers troubles de la Révolution française. À ce moment-là, les notions renvoyant à la nationalité vont être balayées et remplacées par un vocabulaire volontairement plus flou. De français et française, l'on devient citoyen et citoyenne. L'idée étant de faire basculer les individus de l'état de sujet à ceux de citoyens, comprendre dans le contexte d'alors, pas encore galvaudé par le sens qu'on lui donne aujourd'hui à ce mot, toute personne s'engageant politiquement et s'inscrivant dans le processus révolutionnaire en cours. Ainsi, comme l'explique Anne Van Nitsch, historienne et spécialiste de la notion d'étranger dans la Révolution française, la seule contrainte à cette définition de l'identité politique est une contrainte de lieu, d'opinion, d'adhésion, et non plus une contrainte de sang, de nationalité ou même de critères juridiques. Bon. Une fois la fête finie, après les 10 années de festivités plus ou moins réjouissantes, l'accession au pouvoir de Napoléon Bonaparte entraînera le retour du patriotisme nationaliste comme norme légale, accompagnée dans son sillage de mesures plus du tout humanistes, notamment de par les actions et exactions de Bonaparte perpétrées sur les territoires d'outre-mer, comme en atteste le rétablissement de l'esclavage par la loi du 20 mai 1802, ou du 30 floréal de l'an 10, c'est comme vous voulez, mais aussi la féroce répression qu'il ordonne à ses généraux à l'encontre des populations antillaises et particulièrement haïtiennes, populations françaises et étrangères en fonction des besoins et de l'humeur de l'occupant. Quoi qu'il en soit, cette prise de décision par Napoléon est le fruit d'un froid et dégueulasse calcul fondé sur un réalisme économique biaisé. Je cite « La liberté des Noirs est incompatible avec les travaux qu'on a besoin d'en exiger », s'écrit ainsi le clan esclavagiste, de retour au premier plan après près d'une décennie d'un silence frustré. L'expédition militaire censée écraser la révolte haïtienne se soldera par une débâcle sans précédent et dont la honte française est encore perceptible dans les livres d'histoire brillant de mille feux de son absence. Sur les plus de 50 000 soldats marins ou auxiliaires envoyés sur l'île, seuls 1200 rentreront en France. Ça fait pas beaucoup. La France, qui capitulera d'ailleurs quelques mois plus tard, le 19 novembre 1803, juste avant qu'Haïti ne déclare son indépendance le 1er janvier 1804. Les autres territoires d'outre-mer resteront quant à eux dans le giron de l'Empire, puis de la République française, sans qu'évolue cette dualité français-étranger que les Guyanais et Guyanaises contestent encore aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, en appelant les dirigeants politiques à cesser de les oublier. Quelques années après l'Empire napoléonien, à la nationalisation des individus s'ajoute celle des marchandises. Car la révolution industrielle est depuis passée par là, accompagnée de celui qui la surpassera bientôt pour s'accaparer le siècle à venir, j'ai nommé le libre-échangisme. Dès lors, un nouvel ennemi commun commence à pointer le bout de son nez, le travailleur étranger ainsi que sa production. De fait, la production nationale et le protectionnisme font leur entrée dans le petit précis pompeux des discussions économiques des possédants, en même temps que, par opposition, les théories politiques des luttes des classes et de l'internationale ouvrière dans le camp des syndicats de travailleurs qui s'organisent, en conséquence, face aux changements mondiaux et globaux qui s'acheminent. D'autre part, la France, qui est alors l'une des principales puissances mondiales, est en fait un colosse au pied d'argile. Camouflée derrière ses colonies pour faire fonctionner son économie, elle cache quelques mots secrets et structurels qui n'augurent rien de bon. En effet, sa démographie est bien en deçà des standards européens d'alors. Pour pallier à ce manque de bras et rectifier le seuil de rentabilité de ses entreprises, la France commence peu après le milieu du 19e siècle à faire venir des ouvriers belges pour travailler dans les régions du Nord et du Pas-de-Calais, ce qui engendre très vite des manifestations hostiles, violentes et xénophobes des populations locales. Nous sommes alors en pleine crise politique et économique, et les leaders nationalistes se pressent déjà auprès des foules pour y déverser leur haine de l'étranger. À vrai dire, à partir des années 1880, ce sont tous les secteurs de la société qui s'emparent des questions liées aux étrangers. Des ouvriers jusqu'aux partis politiques et des médias comme les universités. Très vite, l'étranger devient le terme fourre-tout de la xénophobie facile et tranquille. Il désigne ainsi tour à tour les travailleurs immigrés, les espions ou encore les juifs, dans une France alors résolument antisémite. Tout cela dans une ambiance nationaliste nauséabonde et incohérente qui voit la jeune Troisième République vouloir asseoir son autorité par une rhétorique fondée sur la nation, et bientôt imité par les mouvances politiques ancrées à l'extrême droite, se réclamant du nationalisme, mais aussi de l'antirépublicanisme. Chaque camp s'affrontant alors pour tirer à soi la tant convoitée couverture puante et miteuse du patriotisme. Et ben on va faire une petite pause, et je vais reprendre le texte après ça. که از آن من نیست با نامی زیستم که از آن من نیست از دردی گریستم که از آن من نیست در انتظار طعم تلخ مکدونالد پشت شیشه های فست فود در صفم زیر شیر باز نفت شرکت توتال لای چرخ های پرش در کفم خشکیده از برق رولکس تو شاد از شادی قرص اکس تو برف زیر چوب اسکی تو شمشکم آب می شوم شرم که ریزکم موش خیس و خسته از زجر جوها دل خوشم به خورد خیرات خوبها پادوی پار زیر پای بوسم با فلک در فلاکت و کوسم ثبت شد در تناقض دوام ما گور جد حرف ها پیام ما از رنجی خستم که از آن من نیست بر خاکی نشستم که از آن من نیست با نامی زیستم که از آن من نیست از دردی گریستم که از توی جنگ نه زیر چرخ تانک ها در زمان صلح غرق قرض بانک ها پول خوردی در قعر جیب ها یک چک مچال دست نامجیب ها سود کار و بار و نبض کار خانه ام حاشیه ترین محل آشیانه ام فنگ زاب روی دار کارد می شدم با بلوچ و لر شکنج خورد می شدم ترک ترک تارک از زبان مادری یک ارومیه نمک به زخم آذری خون و رگ زیر پوست سفید تو گور جد وعده ها و عید تو از رنجی خستم که از آن من نیست بر خاکی نشستم که از آن من نیست با نامی زیستم که از آن من نیست از دردی گریستم. Eh ben, on est de retour sur l'antenne du magazine Libertaire. Avant cette petite pause musicale, donc du coup, je vous contais la montée du nationalisme dans la France de la fin du 19e. Donc on s'étonnera pas dès lors de l'émergence d'un contexte belliciste dans ce début du 20e siècle, engendrant la boucherie gratuite de 14-18 et entamant méchamment le réservoir de main-d'œuvre nationale. L'État français va d'abord se tourner vers ses colonies pour non plus seulement y soutirer les richesses en matières premières, mais aussi en hommes. Tant en chair à canon qu'en chair à patron. Une main-d'œuvre considérée comme nationale ou étrangère, selon le contexte et l'humeur du moment. La problématique pose d'ailleurs question au lendemain de la Première Guerre mondiale. Tant dans l'effort de reconstruction de la métropole dans l'après-guerre, du coup, que sur les territoires coloniaux. Notamment en Indochine, où l'utilisation, car c'est le terme qui s'impose, de la main-d'œuvre coloniale engendre d'importants débats au sein des classes dirigeantes, alors qu'émerge un discours humanitariste de la colonisation. Si, si. Alors attention, entendons-nous bien, il ne s'agissait pas ici de débattre du bien fondé de la colonisation, qui n'était pas majoritairement remis en cause, loin de là, mais du traitement réservé à ces travailleuses et travailleurs, exploités jusqu'au cadavre en faveur de la grandeur de la France. De scandale en scandale, la pression de plus en plus forte imposée par les observateurs internationaux, journalistes, écrivains, globetrotteurs, sur les dirigeants politiques français, oblige donc ces derniers à repeindre sommairement leur colonisation dans des couleurs plus sociales. En réalité, les conditions de vie des travailleurs coloniaux n'ont jamais attendri les responsables occidentaux de quelque bord que ce soit. Et ce, contrairement à la crainte d'un soulèvement des populations et d'un embrasement des colonies. Car si en théorie l'esclavage est depuis longtemps aboli, il n'en est rien dans les faits dans les territoires coloniaux où colons et financiers prospèrent grâce à un servage qui n'a jamais cessé. Trop rentable pour être abandonné. Les travaux de défrichement des contrées sauvages jusqu'à l'entretien des cultures rémunératrices sont gourmands d'envie humaine. d'autant que les travailleurs sont en sous-nutrition constante et faussement soignés. Bah ouais, il n'y a pas de petites économies. Et puis, comme la main-d'œuvre est nombreuse dans la région, on aurait tort de se gêner. C'est à ce moment que commence l'entreprise de camouflage de la colonisation en modèle social et vertueux. On laisse alors, par exemple, le champ libre à Alexandre Varenne, socialiste nommé gouverneur en Indochine et qui s'empresse d'instaurer une réglementation de la main-d'œuvre coloniale par une sorte de cousinage très éloigné de la législation métropolitaine. Protection des femmes et des enfants, limitation du temps de travail, instauration d'une base légale concernant la santé publique ou encore d'un seuil minimum de rémunération. De fait, la réglementation de 1927 d'Alexandre Varenne, par les changements qu'elle tente d'instituer, est aujourd'hui considérée par les historiens comme la preuve, sans ambiguïté, de la réalité de l'esclavage dans les territoires coloniaux à cette époque. Une réalité qui perdura d'autre part, car sauf au sommet de l'État où les dirigeants souhaitaient une amélioration visant à un maintien de l'ordre durable, l'ensemble des intermédiaires coloniaux, de l'administration en passant par les financiers et les colons, s'opposèrent sereinement au respect de la réglementation de Varenne. Dès lors, les populations indochinoises commencèrent à s'organiser en rejoignant les militants révolutionnaires clandestins à partir de la fin des années 20, jetant les bases d'une indépendance qui interviendra fatalement moins de 25 ans plus tard. À vrai dire, l'exemple indochinois n'est qu'une minuscule parcelle perdue au milieu de la multiplicité des exactions françaises sur les populations de ces différentes colonies. Ces dernières seront pourtant largement mises à contribution, une fois encore, lors de la Seconde Guerre mondiale, de gré ou de force. Il n'est dès lors plus question d'étrangers ici, puisque chaque ressortissant de la nation française se doit de défendre sa patrie. Bah ouais. C'est ainsi que l'armée enrôle plus de 400 000 personnes venues d'Afrique du Nord, ainsi que 170 000 d'Afrique centrale. Ces derniers seront disséminés dans 8 régiments dits des tirailleurs sénégalais. De 40 000 d'entre eux qui seront envoyés au front lors des batailles de juin 1940, la moitié périra. Un nombre astronomique qui s'explique par la stratégie militaire qui leur a été réservée par le haut commandement français. En effet, pour faciliter la retraite des autres troupes lors de la débâcle française, c'est à ces tirailleurs que l'on ordonne de rester en place et de défendre coûte que coûte les positions afin de ralentir la progression allemande. Comprendre ici, jusqu'à la mort. Ils mourront d'ailleurs dans de conditions atroces, littéralement broyés sous le feu des armes nazies. Quant aux autres bataillons qui survivront au combat en Italie ou sur le continent africain, ils seront finalement démobilisés à la fin de l'année 1944 dans le cadre d'une opération de blanchiment de l'armée française sur ordre du général de Gaulle. Après avoir servi toutes ces années comme soldats français, déjà discriminés quant à leur équipement ou leur promotion, l'armée leur promet le versement de leur dû. Dans les faits, elle va leur rappeler une fois encore à leur statut colonial en leur refusant leurs soldes ainsi que les indemnités de prisonniers. C'est ainsi qu'une partie de ces tirailleurs décide d'entrer en mutinerie afin de se faire valoir leurs droits. L'armée ordonne alors, le 2 décembre 1944, à d'autres bataillons de tirailleurs sénégalais encore non démobilisés, ainsi qu'à des effectifs de la gendarmerie, de régler définitivement ce conflit en attaquant en pleine nuit le camp de Tiaroy, où plus d'un millier de ces tirailleurs ont été confinés, sans armes ni protection, évidemment. C'est un véritable bain de sang. Si officiellement aujourd'hui encore, l'État français reconnaît 35 tués lors du massacre de Tiaroy, le nombre réel pourrait en fait dépasser les plusieurs centaines de morts. De fait, nous ne connaîtrons probablement jamais le chiffre exact de ce crime, puisque d'après les historiens étudiant la question, les archives relatives à ce massacre ont étrangement disparu. Étonnant, non ? Quant aux survivants, ils seront condamnés à de lourdes peines de prison pour insubordination. Et bien sûr, puisque c'était quand même l'objectif de départ, déchus de leur droit à l'indemnisation en tant que soldats. Et voilà, en France, on manque de plein de choses, mais certainement pas d'idées. L'après-Seconde Guerre mondiale ne contredira pas l'adage. Dans une volonté de reconstruction de relance économique, après 4 années de guerre dévastatrice, l'État français va continuer à faire venir en nombre de la main-d'œuvre venue d'autres pays, tels que le Portugal, l'Italie ou encore la Pologne, mais aussi et encore des colonies, Indochine, Algérie, Tunisie, tant son exode rural finit par se tarir. C'est principalement dans les métiers du bâtiment que le recrutement prospère. Durant les 30 glorieuses, la demande en bras dans ce secteur ne cessera jamais d'augmenter, passant d'un million à 2 millions d'employés en 2 décennies, et cela jusqu'en 1973, quand la crise pétrolière enrayera la machine économique. Quant aux populations élégamment invitées à venir construire le pays, il s'agit majoritairement d'Italiens jusqu'au début des années 60, avant que les Algériens, les Tunisiens, les Marocains et les Portugais ne deviennent les premières sources de manœuvre du BTP, des métiers agricoles ou des emplois en usine. L'âge d'or économique est censé s'accompagner d'un âge d'or social, Dans les faits, décevant comme à chaque fois, il faut attendre les grèves de 1968 pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de délégués syndicaux. Puis, aussi vite qu'était apparue l'éclaircie, elle se dissipe lorsque les régularisations systématiques des travailleurs étrangers prennent fin au début des années 70 et en même temps que la crise pétrolière et économique ne plonge les populations étrangères dans le chômage. Aussi, pour augmenter les marges de rentabilité, les employeurs se tournent vers l'embauche illégale ainsi que vers la proposition de travail précaire que les plus pauvres ne peuvent se permettre de refuser. Dans les décennies qui suivent, plutôt que d'opter pour des politiques sociales, l'État va tout faire pour se débarrasser de ces immigrés qui gonflent son taux de chômage. Il est encore aujourd'hui deux fois plus important que pour le reste de la population. Donc, il y a suspension de l'immigration de main-d'œuvre, prime de retour définitive dans le pays d'origine, suppression du droit du travail pour les demandeurs d'asile, lutte de plus en plus violente contre le travail clandestin. Des mesures à contresens qui ne vont faire qu'amplifier le problème, tandis que d'autres s'amoncellent dans un contexte d'abandon politique et social des périphéries des grandes villes. La propagation des discriminations et des chômages de masse dans les banlieues n'en sera qu'une résultante logique. Aujourd'hui, le taux de chômage dans les quartiers périphériques est ainsi trois fois supérieur à celui des centres urbains, et cela, quels que soient les niveaux de diplôme ou les origines des personnes vivant dans ces quartiers. La nuance est importante car elle dénote d'un changement d'état d'esprit de la France, en même temps qu'un surplace idéologique. On ne peut plus rejeter les jeunes Français dont les parents ou les grands-parents étaient issus de l'immigration au seul titre de leur étrangeté, puisque de fait, ils sont Français. Pas de chance. Alors, les employeurs se tournent vers une autre solution, la discrimination en bloc d'une zone géographique, à savoir les banlieues. Quelques indices mettent quand même la puce à l'oreille, comme ces études récentes qui prouvent que l'on a presque 50% de chances en moins d'être embauché lorsque l'on porte un nom à consonance maghrébine plutôt qu'un nom français bien de chez nous. Et puis, en dehors des ressorts économiques et sociaux, les violences policières que l'on dénonce chaque semaine sur notre antenne, les assassinats de Monsieur Liu dont on parlait tout à l'heure, celui d'Adama Traoré, de Ziad Ebouna, le viol de Théo il y a quelques semaines, et tous ceux dont on ne parle pas parce que l'on ne sait pas tout, simplement, parce que c'est arrivé... Toutes ces exactions, tous ces crimes policiers sont aussi les symptômes d'une société malade, au fonctionnement viscéralement pourri et se repliant sur sa propre dégénérescence. Alors oui, ces dernières décennies, la France a bel et bien changé. De xénophobe, elle a su s'adapter pour devenir raciste. Même si, rassurez-vous, le traitement inhumain qu'elle réserve aux migrants ces derniers temps nous le prouve, elle peut tout à fait combiner les deux. Allez, dormez tranquille, bonnes gens, à moins que... Alors, je voulais rajouter aussi, dans ton, tu as parlé du Cantiaroy. Il y a des documentaires et des films très bien aussi. Il y a les films d'Ousmane Sembène, en fait, qui est un réalisateur sénégalais, qui est écrivain et docker aussi, et qui a beaucoup filmé la vie au Sénégal et les relations France-Sénégal. Et il y a un film sur le camp de Tiaroy. Et il y a aussi d'autres films, je me souviens plus le nom, un autre film que j'ai vu, qui doit s'appeler Tazouma, il me semble. Et c'est l'histoire d'une personne qui attend justement sa rente, en fait, l'argent que la France lui a promis et qui s'est endettée dans son pays au Burkina Faso, qui a acheté un moulin à mille pour les femmes à crédit et qui tous les jours va voir dans le bureau de poste, en fait, si son argent est arrivé. Mais en fait, ça arrive jamais. Et voilà, c'est des films à découvrir, en fait, pour rappeler le rôle de la France aussi et les tirailleurs sénégalais, comment ils ont été traités pendant la guerre et après aussi la guerre. Ouais. On leur a promis plein de choses qu'ils n'ont jamais eues. Ousmane Sembène. Disponible au CID peut-être ? Oui, c'est ça, c'est au CID, oui, j'ai oublié, oui, je voulais le dire. Je ne sais pas si c'est trouvable sur Internet, mais enfin, Ousmane Sembène, il est décédé là, il y a quelques années. Mais par contre, il y a toute il y a des DVD au CID, au Centre interculturel de documentation, au chantier naval. On m'entend pas ? Au CID, au chantier naval. Oui, Nasser, tu voulais rajouter ? Le CID qui va fermer, définitivement à partir de vendredi. On pourra en reparler peut-être la semaine prochaine. D'accord. Mais ils sont en liquidation judiciaire. Ah oui. Et du coup, ils vont... Faut les inviter. Hein ? Faut les inviter. Je sais. Oui, peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine. Ouais, parce qu'ils ont beaucoup de documentation intéressante. Non, autrement, peut-être dans les médiathèques à Nantes. Oui, peut-être. Enfin, voilà. Moi, j'avais emprunté les films au CID. Ouais. Et aussi, de temps en temps, ça repasse au cinématographe. C'est régulier, en fait. Parce que

Nous sommes de retour dans l'émission du magazine Libertaire. C'est l'heure des annonces. La première annonce, ça se passe le 8 avril à 14h, donc c'est samedi, à la salle Aude et la Manufacture des Tabacs à Nantes. C'est une salle qui est accessible au fauteuil roulant et la journée s'intitule « Défendons la caisse de soutien et toutes les pratiques de solidarité ». On rappelle, on a déjà parlé ici qu'au mois de janvier et février, il y a trois personnes titulaires du compte bancaire du comité de soutien aux inculpés qui ont été convoquées par la gendarmerie dans le cadre d'une enquête ouverte par une juge d'instruction. En se rendant à ces convocations, elles ont appris que l'enquête portait sur un appel à dons visant à financer via la caisse de solidarité les amendes et frais de justice de personnes condamnées. Et l'instruction pourrait être longue parce que au-delà de cette poursuite, il est clair que l'enquête en cours est un coup de pression de l'État contre des pratiques de solidarité et d'autodéfense de personnes visées par la justice. Alors je lis pas le texte entièrement, vous pourrez le trouver sur nantes.indymedia.org. Il est rappelé que ce sont les pratiques de la legal team qui sont ici ciblées, parce que faire de la legal team, c'est donner des conseils juridiques pour partir en manif, préparer sa défense en vue d'un procès, d'un passage d'un huissier ou défier les contrôles de police. Et c'est un élément incontournable que les personnes et groupes qui sont exposés à la répression partagent. Voilà, donc le rendez-vous, pour en discuter, c'est le 8 avril à 14h à la salle A de la Manufacture des Tabacs à Nantes. Très rapide, ça va se dérouler à Châteaubriant le mardi 11 avril à 19h30 du côté du bar La Charrue. C'est une soirée autour des élections et ce sera présenté par Alternative Libertaire, qui vous invite donc à un apéro débat sur la question des élections. Mardi 19h30, Châteaubriant, La Charrue, chez notre ami Jonathan. Voilà. Le 9 avril, à la Wardine, sur la ZAD, il y a une rencontre avec le collectif Écran Total, qui est un collectif en lutte contre l'informatisation et la gestion de nos vies. C'est un collectif qui a 3 ans et qui rassemble des personnes très différentes, des chômeurs, des enseignants, des paysans, des plombières, des infirmiers, des bibliothécaires, autour de l'idée de résister à la déferlante de dispositifs, notamment technologiques et informatiques, destinés à gérer les vies. Et du coup, on vous renvoie, on n'a pas le temps en fait de lire toute l'intro, mais on vous renvoie au site de la ZAD, zad.nadir.org, pour en savoir plus. C'est le dimanche 9 avril, c'est à 16h et c'est à la Wardine. Alors moi je vous annonce une soirée de soutien à la dérive, ça aura lieu au Gris-Gris 12 rue Ampère à la Chapelle-sur-Erdre. Donc le Gris-Gris accueille toute l'équipe de la dérive pour une folle soirée, concert, bar et restauration permettraient de fêter ensemble l'évolution du projet de la dérive. L'entrée de la soirée est à prix libre et il y aura tout ce qu'il faut pour s'abreuver et se rassasier sur place. Et la dérive, c'est un bar associatif qui va ouvrir très bientôt sur Nantes. Sinon, dimanche 9 avril à 17h, à B17, 17 rue Paul Bellamy, la dînette détente est un temps en non-mixité PD. C'est un rendez-vous public et régulier. On se retrouve tous les premiers et troisièmes dimanches du mois autour d'une tisane, de ce que chacun apporte, et on discute de ce qu'on veut faire ensemble, de ce qu'on veut critiquer dans ce monde. On se lit des textes et on essaye de mettre des idées en commun. On a envie de faire de la visibilité, de se rencontrer en dehors des structures institutionnelles et commerciales et de créer une force PD à Nantes, le tout sur une base anti-autoritaire. Voilà, ce mois-ci, ce sont les deuxième et quatrième dimanches du mois, exceptionnellement. On vous souhaite une bonne soirée. L'émission touche à sa fin. Touche à sa fin. À bientôt. À la semaine prochaine. Salut. Ciao. Salut.